DJ Flash, un flashback. Ando en su booster con backpack. Hey. Se te flash, ho un flashback. In due sul booster col backpack. Manco l'aprivo, 100 euro aspettarmi all'arrivo. Amavo ma non capivo. Forse era meglio non capire. Forse era meglio non capire. Forse era meglio non uscire. Se lo faccio in famiglia arresto, non resta più tempo ormai. Ne ho perso troppo, quanto soccorso. Poi chiedi aiuto ma cambio discorso. Tieni la mano, io non ho bisogno. Tengo il mio sogno, avrò ciò che voglio. Tranquillo sto a posto. Vai o resti, non ti guardo se ti vesti. Palle d'oro sembro Messi, questi rapper sono persi. Oh, resti, tra le gambe come Messi. Metto sta scena a pezzi, la bagno e giro in jet ski. Dalla asca mai la ski, tu fa passer le cast, un cast, on casse pas les couilles. Esquive les douilles si tu peux comme dans Matrix. La vie c'est con, tu vas manger la cash, j'ai pas le choice. Y'a que le son qui fait tomber l'effet, qui fait rouler la Porsche, qui remplit mes poches. La vie c'est cool du moment que j'ai de la cash, j'ai pas le choice. Y'a que le son qui fait tomber l'effet, qui fait rouler la Porsche, qui remplit mes poches. La vie c'est cool du moment que j'ai de la cash. La vie c'est cool du moment que j'ai de la cash, j'ai pas le choice. Tout est noir comme un déca, dans le hall, fume l'indica. Prends ton truc et décale, t'aimes pas gros, ça met des gars. Faut qu'on mange bon, faut qu'on se régale. A 10 sur la régate, boules à un méga. En la Runa pas mégane, pussy hit pas vegan. Pussy hit pas vegan, 10 patchons les grammes. Toute l'après me font féfé, pied au plancher dans GTD. Toute la journée on est pressé, fonce comme nous va faire une OD. Toute l'après me font féfé, pied au plancher dans GTD. Toute la journée on est pressé, fonce comme nous va faire une OD. Slima nanas, j'fais le mélange, je roule la masse. Slima nanas. Dans la hache comme un elaski, tu vas passer de casse, tu me casses, toi casse pas les couilles. Esquive les douilles si tu peux comme dans Matrix. La vie c'est cool, tu vas manger la cash, j'ai pas le choice. Y'a que le son qui fait tomber l'effet, qui fait rouler la Porsche, qui remplit mes poches. La vie c'est cool, tu vas manger de la cash, j'ai pas le choice. Y'a que le son qui fait tomber l'effet, qui fait rouler la Porsche, qui remplit mes poches. La vie c'est cool du moment que j'ai de la cash. La vie c'est cool du moment que j'ai de la cash, j'ai pas le choice. Tu sais très bien que Lyon c'est le sang. Et que mon secteur situe au centre, sans souci. Si tu donnes la force, on est ensemble. Si t'es contre nous, bah on fera ça, en ta mère. J'suis moitié coq, mi-éléphant. Pas mal, comme Franck Ribéry. Ouais. T'as ne pense, suisse ramener les francs. Ouais. Ouais. C'est le RTT, vas-y range ta tente, fils. Minino, ouais. Ma c'est la base. Ici, on n'aime pas du tout la bague. Patrick Car, 14 ans déjà, je bicra. Combien de fois j'ai visqué la garde. Je sais que t'as beaucoup passé à la rate. Sauf bloc quand tu sors en arrache. Mais ici, ça fait qu'une tête d'arabe. T'imagines que c'est putain les best. Dans la hache, comment elle a esquive. Je vais passer de casse, tu me casses, toi casse pas les couilles. Esquive les douilles si tu peux comme dans Matrix. La vie c'est cool, tu vas manger la cash, j'ai pas le choice. Y'a que le son qui fait tomber l'effet, qui fait rouler la Porsche, qui remplit mes poches. La vie c'est cool, tu vas manger de la cash, j'ai pas le choice. Y'a que le son qui fait tomber l'effet, qui fait rouler la Porsche, qui remplit mes poches. La vie c'est cool, tu vas manger de la cash. La vie c'est cool, tu vas manger de la cash, j'ai pas le choice.